bébé aux quatre coins du monde. Viens, on y va, on y va. Et c'est toi ma belle blonde. T'es le jury, je suis candidat. Évidemment, je suis pas comme d'hab, bébé, bizarrement. Si je t'invite, bébé, ne me dis pas non. Si t'as le temps, montre-moi tes petits talents, pas d'équivalent. Cabriolet, j'écoute Alia. Les yeux qui louchent comme Dalida. La voix grave, j'suis comme Barry White. T'as vu ma gueule dans Paris Match? C'est pas la peine de me faire. Y'a rien de personnel entre toi et moi. Rien de personnel entre toi et moi. Rien de personnel. C'est pas la peine de me faire. Tu me fais l'appel du pied. Tu veux être ma partenaire. Tu veux m'appartenir. C'est pas la peine de me faire. Tu me fais l'appel du pied. Tu veux être ma partenaire. Tu veux m'appartenir. C'est toi qui gères la déco. De toute façon j'perds toujours la négo. J'passe pas détecteur de métaux. J't'envoie le matelas comme Zeppo. Et on fera plus que 9 secondes. Et puis à terme tu vas me rendre des comptes. Viens on y va, on y va. Viens on y va, on y va. C'est pas la peine de me faire. Y'a rien de personnel entre toi et moi. Rien de personnel entre toi et moi. Rien de personnel. C'est pas la peine de me faire. Y'a rien de personnel entre toi et moi. Rien de personnel entre toi et moi. Rien de personnel. C'est pas la peine de me faire. Tu me fais l'appel du pied. Tu veux être ma partenaire. Tu veux m'appartenir. C'est pas la peine de me faire. Tu me fais l'appel du pied. Tu veux être ma partenaire. Tu veux m'appartenir. Viens, on y va, tu veux m'appartenir. C'est pas la peine de me faire. Viens, on y va, on y va. Viens, on y va, on y va. Viens, on y va, on y va. C'est pas la peine de me faire. On y va, on y fait l'appel du pied. Tu veux être ma partenaire. On y va, on y veut m'appartenir. C'est pas la peine de me faire. On y va, on y fait l'appel du pied. Tu veux être ma partenaire. On y va, on y va, ma partenaire.